Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Mais enfin, Socrate, de quoi t'occupes-tu ? Oui, mais c'est parce que je suis un type obsédé par la mort. C'est, pour moi, c'est le problème de base, quoi. Je vais tâcher de vous expliquer ce qui m'a fait cette fâcheuse notoriété. Écoutez donc. Perds pas ton temps avec des gens qui te condamnent, qui voudraient te voler ton âme, qui s'habillent de ton univers, et quand ils tombent, ils nous déclarent la guerre. T'as d'autres choses à faire que d'écouter tous ceux qui parlent sans penser, tous ceux qui pensent sans rêver, qui croient que demain sera comme hier. Passeport pour la mort, moi, sauf produit pour la vie. En tout cas, changer de décor, bien. Pas d'enfer et pas de paradis. Passeport pour la mort. Quiconque a lu un dialogue de Platon a peut-être déjà eu cette impression, un peu paradoxale. L'impression d'être un chat qui tombe d'une fenêtre, entre le vertige, le doute, la panique de voir peu à peu s'effondrer toutes ses convictions, et l'assurance, pourtant, de retomber bien sur ses pieds, réconforté et presque heureux d'en sortir vivant et armé de principes fermes. Le Phédon, ce dialogue où Socrate fait face à sa mort, n'échappe pas à cette impression, avec ceci d'encore plus déconcertant, à évoquer le sujet qui nous angoisse le plus, la mort donc, on en viendrait presque, en refermant ce livre, à regretter d'être encore en vie. Comment parler de la mort pour enfin l'accepter ? Pourrait-il bien aussi nous apprendre à vivre ? Eh bien, je crois que 4 émissions ne seront pas de trop pour y répondre. Que t'arrive-t-il, Socrate ? D'où vient que tu délaisses le lycée où tu aimais à bavarder et que maintenant tu te tiens ici, près du portique royal ? J'ai peine à croire que tu aies comme moi quelques procès devant l'archonte roi. Mon affaire, Tifron, n'est pas ce qu'on appelle proprement à Athènes un procès. C'est une poursuite criminelle. Que dis-tu ? Quelqu'un aurait donc porté une plainte contre toi ? Car je ne peux t'imputer à toi d'accuser personne. Non, en effet. Il y a vraiment quelqu'un qui t'accuse ? Eh oui. Mais qui est cet homme ? Ma foi, Eutyphron, je ne le connais pas très bien moi-même. Cela tient sans doute à ce qu'il est jeune et son notoriété. On le nomme, si je ne me trompe, Mélétos. Mais dis-moi, de quoi enfin peut-il bien t'accuser ? De quoi ? Cet homme, d'après ce qu'il déclare, sait comment on corrompt les jeunes gens et quels sont ceux qui les corrompent. Il commence le nettoyage de la cité par moi, qui, dit-il, corrompt la jeunesse. Il prétend que je suis un faiseur de Dieu. J'y suis, Socrate. C'est à cause de cette voix divine que tu déclares entendre en toutes circonstances. Il déduit de là que tu introduis de nouvelles croyances. Oui, voilà pourquoi il vient te calomnier devant la foule. Ne nous soucions pas d'eux et osons leur tenir tête. Ah, si nos Athéniens voulaient seulement aujourd'hui se rire de moi, il ne me serait pas désagréable de passer quelques bons moments au tribunal à plaisanter et à rire. Mais s'ils prennent la chose au sérieux, qu'arrivera-t-il ? Nul ne le sait, hormis les devins. Bonjour Dimitri Elmure. Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. On vous doit de nombreuses publications sur Platon, dont le nouveau numéro de la revue Philosophie Antique sur les nouvelles figures de Socrate, mais aussi l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Les philosophes face aux vices de Socrate à Augustin. On vient d'entendre un extrait d'une fiction de France Culture de 1957. On entend Socrate dire « Seuls les devins sauront ce qui va m'arriver après ce procès ». Eh bien nous y sommes avec le fait dont nous savons ce qui est arrivé à Socrate, il est condamné à mort et nous allons vivre ces derniers instants avant de boire la ciguë. Pourquoi parler encore alors qu'on sait qu'on va mourir ? C'est peut-être la première question qu'on peut se poser quand on ouvre le Phédon, Dimitri Elmure. Alors c'est une bonne question, mais ce qui caractérise Socrate, c'est de parler toujours, à n'importe quel moment. Tout le temps. Non, tout le temps, exactement. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on lui reproche, hein. Cette phrase fameuse de Calliclès dans Gorgias, hein, mais Socrate, tu peux pas parler tout seul, il faut toujours qu'on te réponde, il a besoin de quelqu'un avec qui dialoguer, et dans les quelques moments qui précèdent sa mort, tout autant que dans tous les autres moments de sa vie. Donc, ce qui le caractérise, c'est vraiment ça. Donc, j'ai envie de vous répondre, au fond. Pourquoi pas? Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est plutôt une très très bonne idée que, justement, il parle à ce moment-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on se rende compte avec le Phédon que le thème de la mort, donc, qui est la question centrale du Phédon, n'a pas été encore un thème abordé par Socrate, en fait, dans ses dialogues. Et que c'est le moment où il va mourir qui est peut-être le moment où, en fait, le moment n'est pas de. Peut-être on peut parler, mais peut-être le moment n'est pas opportun pour réfléchir, pour penser à la question de la mort. Une fois qu'on y est, finalement, pourquoi y réfléchir? Pourquoi ne pas s'y lancer? Donc ces deux questions, Dimitri Elmur, pourquoi la mort maintenant et pas avant, alors que c'est quand même un sujet central, notamment dans la philosophie antique, et pourquoi en parler à ce moment-là, au moment où on va mourir et au moment où les choses vont nous apparaître assez clairement? Ben, au fond, je commence par la deuxième question, c'est au moment de la mort qu'un philosophe, s'il est véritablement philosophe, c'est qu'il est philosophe. Ah, si, il est véritablement philosophe, et bon, Socrate en est un par excellence, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment parler de la mort. Pourquoi ? Parce que non seulement on en parle, mais on en parle et on montre, on démontre par la manière dont on la vit, dont on vit ce moment qui va nous amener, ce moment, comment dire, très proche, qui va nous amener à la disparition, enfin à la disparition, à la mort corporelle. C'est comme ça qu'on, c'est en faisant cette épreuve-là qu'on peut en parler et qu'on peut, si vous voulez, c'est une idée très grecque, mettre ses paroles et ses actes en cohérence. Donc vous dites, est-ce que bon, Platon a parlé, évidemment il y a des éléments dans d'autres dialogues sur la mort, dans l'Apologie, il y a ce passage de Lotifron qui en parle un petit donc peu. Donc l'Apologie etc. de Socrate, voilà. Qui est le dialogue en fait qui se produit pendant qu'il y a la défense de Socrate en exactement. Fait lors de son procès, oui, donc défend, juste voilà. avant. Voilà. Et dans d'autres dialogues, mais c'est vrai que le Phédon, c'est le dialogue qui traite de cette question ou du rapport entre la mort et la philosophie au moment même où l'incarnation même du philosophe vit cette expérience qu'est le mourir, ou le bientôt mourir, hein, et où il va démontrer non seulement qu'il a tout un ensemble d'arguments, mais qu'il va mettre en pratique ses paroles et ses actes. Donc je pense que c'est ça, c'est pour ça que c'est un moment aussi intense, le Phédon. On parle de la mort, on vit la mort, on vit le bientôt mourir, et en même temps, Socrate nous dit, bah, finalement, la mort, c'est aussi un certain rapport à la vie. Et il le démontre. C'est ce qui distingue peut-être, vous allez me dire, le Phédon d'autres dialogues socratiques, c'est que c'est peut-être un dialogue extrêmement incarné. C'est-à-dire que lire le Phédon a quelque chose d'assez émouvant. Alors, on y retrouve les démonstrations qu'on trouve dans d'autres dialogues, évidemment, mais on n'a pas l'impression de philosopher sur un sujet comme ça en l'air. On ne parle pas du beau, du juste, des lois. Là, on parle vraiment de la mort et on sait que Socrate va mourir, ce qui ajoute une dimension à la lecture beaucoup plus poignante et presque ce que j'ose dire, parce qu'on va le découvrir pendant les émissions toute cette semaine et durant l'heure qui vient, l'idée de la mort, c'est quand même de détacher le corps de l'âme. Or, je trouve que c'est un dialogue extrêmement incarné, extrêmement corporel et même plein d'émotions. Oui, c'est vrai. Mais je pense que même si tout est maîtrisé chez Platon, il est bien évident que ce dialogue, c'est un dialogue sur la mort, ce que c'est que la mort d'un homme, mais c'est aussi évidemment et surtout un dialogue sur la mort de Socrate, c'est-à-dire de cette personne que Platon a entendue sans doute quand il avait une vingtaine d'années et qui a changé, transformé entièrement sa vie, comme celle de beaucoup d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que Platon qui a entendu Socrate et qui a entendu la musique complètement différente qui était celle de son discours. Donc il y a quelque chose d'incarné aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire que il y a quelque chose de tous les dialogues de Platon sont en un certain sens personnels, évidemment, mais celui-là il est encore plus que les autres parce que Platon explique le rapport à la mort et le rapport à la vie de celui qui a transformé son existence et, selon lui, qui a transformé aussi la philosophie. Je vous propose, Dimitri Elmur, qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on écoute tout de suite un extrait du Phédon et justement qu'on découvre la thèse de Socrate sur la mort. Il me paraît raisonnable de penser qu'un homme qui a réellement passé toute sa vie dans la philosophie est, quand il va mourir, plein de confiance et d'espoir que c'est là-bas qu'il obtiendra les biens les plus grands, une fois qu'il aura cessé de vivre. Comment il peut justement en être ainsi? Voilà, Simmias et Sébès, ce que je vais tenter de vous expliquer. Car c'est bien là une chose dont les autres risquent de ne pas avoir conscience, que tous ceux qui s'appliquent à la philosophie et s'y appliquent droitement ne s'occupent de rien d'autre que de mourir et d'être morts. Or, si cela est vrai, voilà qui serait, je crois, déconcertant. avoir tout au long de sa vie cette unique chose à cœur et, au moment même où elle arrive, se révolter contre ce que l'on avait précisément à cœur et à quoi on s'occupait depuis longtemps. Simmias se mettant à rire. « Par Zeus, Socrate, dit-il, jusqu'à maintenant, je n'en avais pas précisément envie. Et pourtant, tu as réussi à me faire rire. » Je pense effectivement que, s'ils entendaient cela, la plupart des gens jugeraient que c'est à coup sûr la bonne manière de parler de ceux qui s'occupent à philosopher. Les gens de chez nous, en particulier, t'accorderaient sans l'ombre d'une réserve que ceux qui philosophent réclament réellement la mort et ils ajouteraient qu'ils ont pour leur part tout à fait conscience que c'est exactement le sort que les philosophes méritent. Ils ne diraient là que la vérité, Simmias, sauf sur ce point, quand ils disent qu'ils en ont tout à fait conscience. Car en quel sens réclament la mort ceux qui sont vraiment philosophes ? En quel sens ils méritent la mort ? Et laquelle ? Cela, ils n'en sont pas du tout conscients. En conséquence, parlons entre nous et laissons de côté tous ces gens-là. Dimitri Elmure, c'est un texte vraiment, comment on peut dire, dense, qu'on vient d'entendre, interprété par Bernard Gabay. Donc, un extrait du Phédon, je donne je précise où il se situe, c'est 63E64B. Alors, on y a entendu la thèse de Socrate, qui est déjà, effectivement, comme il le dit, je reprends ces termes, déconcertante, que tous ceux qui s'appliquent à la philosophie et s'y appliquent droitement ne s'occupent de rien d'autre que de mourir et d'être mort. On a aussi entendu une dimension ironique, drôle, donc on entend Simmias à qui il adresse ses paroles. Il faut préciser que Socrate s'adresse notamment à Simmias et Cébès dans ce dialogue, qui rit, qui dit quand même cette chose très drôle que finalement les philosophes effectivement sont bons à mourir, ou que ceux qui écoutent les philosophes parler ont peut-être envie de mourir eux-mêmes ou de les faire mourir, donc c'est quand même assez drôle de faire cette autocritique-là. Et puis enfin, on a quand même cette dimension assez élitiste de Socrate qui va dire « Laissons de côté ceux qui pensent comme ça, car nous, on est entre nous, on va parler entre nous, et nous, notre vision de la mort se distingue bien du reste du commun des mortels. Nous, pour nous, la mort est quelque chose de bon. » C'est ça la grande thèse de Socrate. En fait, vous avez très bien isolé les trois... C'est vrai que c'est un texte extraordinaire. Je sais que j'ai tendance à dire ça de tous les textes de Platon, mais celui-là... Oui, il faut le dire qu'il est particulièrement extraordinaire. Particulièrement. Mais vous avez très bien isolé les trois éléments un peu saillants quand on écoute ce texte. D'abord, il y a l'aspect déconcertant, c'est-à-dire c'est la thèse paradoxale. Il faut quand même commencer par ça. C'est un texte qui soutient une thèse paradoxale. Le paradoxe, c'est-à-dire qu'il va contre l'opinion commune, la vie de tous, voilà, c'est que philosopher, c'est apprendre à mourir et à être mort. C'est bien intéressant de voir. Et à aimer ça. Voilà, bien sûr. Et on s'applique à ça. Et c'est un travail. Hein, c'est pas évident. Il faut concentrer sa vie dans cet objectif. Enfin, assure cet objectif. Donc, évidemment, c'est la première chose. C'est l'affirmation paradoxale de ce que c'est qu'un philosophe qui ne correspond à rien de ce qu'on peut imaginer. Bon. Et puis, le deuxième élément, c'est évidemment la thèse elle-même. C'est-à-dire, l'idée centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Un philosopher, c'est apprendre à mourir. Au fond, je pense qu'on peut vraiment comprendre la force de cette idée, si on la comprend comme un renversement d'une autre idée qu'on peut trouver ailleurs chez Platon. Vous vous souvenez, dans le Gorgias, il y a cette espèce d'accusation de Calliclès très très forte, hein, qui est un moment extrêmement fort des dialogues de Platon, contre Socrate, qui lui dit « Mais Socrate, avec ta défense, ton apologie de la mesure, de la modération, etc., et donc le fait que tu me dises qu'il faille réfréner la puissance illimitée des désirs en moi, en fait, tu vis comme une pierre. » Donc en fait, ce que tu vis, ta vie à toi, de philosophe, c'est grosso modo la vie de quelque chose d'inerte, de quelque chose de mort. Et ce que fait ce texte du Phédon, c'est dire, bah oui, effectivement, la vie du philosophe, c'est la vie de quelqu'un qui apprend à mourir, à être mort. Et évidemment, quand je dis que c'est un renversement, c'est que ça n'a rien à voir avec le sens qu'en dit Calliclès. C'est-à-dire que être mort, c'est comprendre qu'il faut délier son âme de son corps, on va en reparler beaucoup, mais donc c'est vivre d'une certaine manière. Voilà, et ça c'est mais quand finalement même... il joue sur les mots alors, Socrate, quand il fait un renversement autour de ce terme de mourir, c'est-à-dire que le terme apprendre à mourir, déjà apprendre, pose un problème. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à une chose qu'on ne connaît pas? On pourra en reparler. Mais en fait, là, Socrate joue sur le mot de mourir. Il va vraiment mourir et il nous dit « J'ai passé ma vie à m'appliquer à mourir ». C'est très différent. Est-ce qu'il s'est appliqué toute sa vie à se préparer pour ce moment de la mort ou est-ce que dès qu'on fait de la philosophie, on apprend à être mort. Et alors, c'est là où, en fait, Socrate est un tout petit peu ironique ou malhonnête, je sais pas, vis-à-vis de, d'une réponse qu'il pourrait faire à Calliclès, à savoir, en fait, mais c'est pas une vie de mort. Au contraire, c'est une vie qui est très animée, qui a été faite de débats, de réflexions. Donc, finalement, en fait, le terme mort, là, n'a pas vraiment de sens. Oui, mais là où il répond vraiment à Calliclès, c'est que, justement, je reprends cette idée pour vous répondre après plus précisément. Calliclès défend le fait de céder à l'ensemble de ses désirs et que vivre, c'est ressentir, c'est céder à tous ses désirs, ses plaisirs, ses envies, etc. Mais finalement, il formule une idée qu'on a tous spontanément. Oui, absolument, qui est l'espèce de vérité irréfragable du plaisir qu'on et ressent. Et de vie, d'élan de vie. Exactement. Et là où Socrate ne joue pas sur les mots, c'est que si mourir, c'est bien quelque chose, c'est la question qui suit le texte qui a été lu, c'est délier son âme de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire délier son âme de son corps? Et délier son âme de son corps, on va l'apprendre dans le Phédon, c'est réorienter la puissance du désir en nous. C'est désirer différemment et d'autres choses. Et donc, en fait, c'est une réponse directe à Calliclès. C'est effectivement pas la vie d'une pierre. C'est tout sauf la vie d'une pierre. C'est la vie de quelqu'un qui choisit de désirer autrement d'autres choses, et donc de réorienter toute sa vie, toute son existence autour de ces objets ou ces choses qu'il désire. Et ça, pour le coup, c'est une vraie réponse. Voilà. Oui, donc la vie, il n'a pas la vie d'une pierre. Il a la vie de quelqu'un qui s'exerce à mourir. C'est une vie qui, malgré tout, est une vie vivante. Alors, ce n'est pas une vie morbide. Pas du tout. Néanmoins, je repose la question que j'ai posée à l'instant, mais c'est vrai que ma question était longue. C'est que, à quoi ça sert de s'appliquer à mourir? Oui. Est-ce qu'on s'exerce à mourir dès lors qu'on fait de la philosophie? Est-ce que c'est s'y préparer pour le moment ou est-ce que c'est déjà mourir? Là, par exemple, est-ce qu'on est en train de mourir? En fait, si vous voulez... C'est ça qui est un peu aussi la force du Phédon, et notamment quand on réfléchit aux différents messages qu'il peut y avoir dans l'histoire de la philosophie sur le fait d'apprendre à mourir, que ça a été tellement repris. C'est un classique, voilà. Ça a pris beaucoup de sens différents, et notamment un des sens que ça a pris après, c'est ce que vous décrivez très bien, c'est-à-dire au fond, j'accepte la mort et je travaille à accepter la mort en moi pour me débarrasser de cette angoisse, cette peur. C'est pas ça dont parle le Phédon, vraiment, au fond. Bien sûr qu'on parle de la peur de la mort et Socrate est en train de consoler ses disciples. Okay. Voilà, c'est vrai que c'est un texte consolateur et qui, d'une certaine manière, on est tenté de le penser tout au long de la lecture, où Socrate tente de se convaincre lui-même aussi. On a l'impression quand même qu'il y a un petit peu de ça au fond. Ah, je pense qu'il tente plutôt de convaincre. Lui, je pense qu'il est très très convaincu, mais je pense qu'il tente plutôt de convaincre les autres. Oui, qui eux sont sceptiques pour le coup. Qui eux sont plutôt et qui eux arrivent pas à comprendre comment on peut être, comment on peut vivre comme lui le vit. En sachant qu'on va mourir. Et en sachant qu'on va mourir. Et donc, pour finir vraiment de vous répondre, la manière dont le Phédon comprend cet apprendre à mourir, c'est pas effectivement que comment faire taire en nous les angoisses, comment accepter notre condition de mortel, c'est comment vivre autrement. En fait, je vais vous dire les choses de manière comme ça, un peu brutale. Le Phédon, ça parle de la mort tout le temps, mais c'est un des plus beaux dialogues de Platon sur ce que c'est que vivre en philosophe. Et alors, et qu'est-ce que ça veut dire vivre en philosophe? Parce que ça, c'est une autre dimension du texte qu'on a entendu, à savoir parlons entre nous, l'ironie, l'autocritique ironique à l'égard des philosophes qui effectivement, en fait, sont un petit peu ennuyeux, c'est ça, ennuyeux à mourir. C'est destiné à qui, en fait, alors c'est parce que vous dites que c'est un texte magnifique sur la vie, mais qui s'adresse à qui? Et il s'adresse, c'est un point extrêmement important, parce que dans le texte qui a été lu, effectivement, Socrate est très très clair sur l'idée qu'il défend, à savoir, Simmias rigole en disant, mais quand on soutient des tests comme ça, faut pas s'étonner que les philosophes, après, on les mette à mort, tellement ils sont énervants, en nous disant qu'on rend philosophe, on apprend à mourir, et Socrate dit, mais laissons ces gens-là. On ne parle pas d'eux et on ne parle pas avec eux. Donc, au fond, le Phédon parle à qui? Le Phédon parle d'abord à ceux auxquels Socrate s'adresse. Et qui sont ceux auxquels Socrate s'adresse? C'est un tout petit cercle de fidèles, de disciples. J'aime pas trop ce mot-là, mais il est pratique. Il a un côté disciple. Voilà, effectivement, d'élèves, disons, qui sont tous historiquement identifiés. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dedans. L'un était absent, on sait bien, c'est cette fameuse phrase « Platon était malade ». Oui, alors ça, c'est assez fou. Il faut quand même le dire parce que le début du Phédon commence, en fait, c'est Phédon qui va raconter, qui va faire le récit de la mort de Socrate à laquelle il a assisté. Et il dit qui était présent et il dit que Platon était malade. Mmh. Donc ça, c'est assez... bon, n'en faisons pas trop sur cette mention, mais c'est quand même assez drôle de voir que Platon fait le récit de quelque chose qui, à lequel il n'a pas assisté par l'intermédiaire de Phédon. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait faire une semaine entière sur l'anonymat de Platon, oui. Je pense, tellement c'est un sujet à la fois excitant et fascinant. Disons, pour dire les choses simplement, il y a l'anonymat de Platon, c'est une forme aussi d'hyperprésence. C'est-à-dire que l'anonymat de Platon, c'est d'abord la présence de la pensée. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire que la pensée est quand même sans auteur et ce qui... Il s'encore, voilà, justement. Voilà. Mais après, bien sûr que le fait que dans le Phédon, Platon nous dit, enfin, qu'on sache que Platon était malade, c'est quelque chose de qui nous rappelle qui est celui qui tient les fils de ces marionnettes que sont les personnages du Phédon. Et voilà. Et donc c'est un pour revenir à la question initiale, c'est un dialogue qui s'adresse à des disciples de Socrate, donc on va dire à des philosophes ou des gens qui veulent le devenir. Donc effectivement, est-ce que le Phédon parle à tout le monde ? Parce que voilà, vous l'avez dit, cette angoisse de mort, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. En faisant ce dialogue, la mort devient aussi un thème, et il l'était déjà en fait, mais ça entérine quand même le fait que ce soit une question classique de la philosophie, comment accepter de mourir. Et pourtant, en le lisant, on se dit, on peut se sentir exclu. C'est-à-dire que celui qui va bien mourir, ou celui qui sait mourir, ou celui qui sera face à la mort, c'est celui qui aura bien philosophé. Ouais. Soit on est dans une position de culpabilité en se disant « j'ai mal philosophé », soit on est dans une position de ratage. Donc j'ai raté, je ne suis pas dans la cible. En fait, je pense qu'il n'y a pas de ratage, au sens où, je pense que le Phédon, je vais vous le dire comme ça, n'a jamais guéri l'angoisse de mort de qui que ce soit. Et que ce n'est pas du tout le but de ce dialogue-là, puisque, comme j'essaie de vous le dire, le but, c'est de il s'adresse à des philosophes, oui, mais il nous dit aussi ce que c'est que vivre en philosophant et ce que ça implique de transformation, de réorientation. Est-ce que ça peut donner envie, en fait? Est-ce que ça peut aussi, en fait, c'est pas tant de calmer l'inquiétude des lecteurs face à la mort que de dire voilà ce que c'est que la philosophie. J'identifie mort et philosophie. Ce n'est pas tant pour vous apprendre à mourir que pour apprendre à être philosophe. Soyez philosophe. C'est en ça que ce texte-là peut s'adresser à tous. En un certain sens, oui. Alors après, est-ce que Platon et pense en un autre que... Bah, c'est-à-dire en un certain sens, oui. En un autre sens, non, parce que il n'est pas du tout sûr que Platon pense que tout le monde puisse être philosophe. Voilà, ça, c'est une autre question. C'est une chose que connaissent bien ceux qui aspirent à apprendre. Au moment où la philosophie a pris possession de leur âme, elle était cette âme, tout bonnement enchaînée à l'intérieur d'un corps, agrippée à lui, contrainte aussi d'examiner tous les êtres à travers lui, comme à travers les barreaux d'une prison, au lieu de le faire elle-même et par elle seule, vautrée enfin dans l'ignorance la plus totale. Or, la philosophie le discerne bien, ce qu'il y a de plus terrible dans cet emprisonnement, c'est qu'il est l'œuvre de l'appétit, de sorte que c'est l'enchaîné lui-même qui coopère de la manière la plus efficace à parfaire son état d'enchaîné. Je répète, ceux qui aiment à apprendre savent bien que, au moment où la philosophie a pris possession de leur âme, elle se trouvait dans l'état que j'ai dit. Aussi, la philosophie lui adresse-t-elle des paroles qui la calment, et elle entreprend de la délier. Elle lui montre que la démarche consistant à examiner une chose au moyen de la vue est toute remplie d'illusions, et remplie d'illusions aussi celle qui se sert des oreilles ou de n'importe quel autre sens. Elle persuade l'âme de prendre ses distances, dans la mesure où il n'est pas absolument indispensable de recourir au sens. Elle l'invite à se rassembler et à se ramasser elle-même en elle-même, à ne se fier à rien d'autre qu'à elle-même, quel que soit celui des êtres dont l'âme cherche à avoir l'intelligence. S'il y a d'un côté ce qui est fait pour être perçu par les sens et par la vue, ce que l'âme voit, elle, c'est l'intelligible et l'invisible. « France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'écouter Dimitri Elmur, toujours un extrait du Fédon lu par Bernard Gabet. Alors là, on est en 82E83B. Ce texte est incroyable. Il faut quand même noter la mention de « je répète » en plein milieu du texte. Effectivement, c'est toujours bien de répéter et de reformuler. Alors, moi aussi, donc, je répète ce qu'a dit Socrate. « Ceux qui aiment à apprendre savent bien qu'au moment où la philosophie a pris possession de leur âme, elle se trouvait dans l'état que j'ai dit, à savoir en fait un état d'emprisonnement dans le corps. » Et là, on peut se demander si le Fédon, en disant que la philosophie apprend à mourir, apprend en fait à cultiver son âme, si je puis le dire comme ça, plutôt que son corps, ne fait pas aussi une condamnation du corps. Oui, c'est une idée qui est très répandue et qui a une longue tradition, d'ailleurs, pour elle, du fait de la christianisation de Platon ensuite dans l'histoire. Alors, c'est une idée, effectivement, que... Qui est une idée légitime ou une lecture un petit peu exagérée ? Non, c'est, à mon avis, c'est pas une idée légitime, mais c'est une lecture extrêmement exagérée. Et ce qui est super dans ce texte, c'est qu'en fait, il dit exactement les choses telles qu'elles sont. Le texte dit qu'effectivement, on ne peut pas accéder à une connaissance la plus certaine si on laisse entraver par le corps, voilà, les désirs, si on pense que les objets les plus réels sont sensibles. Voilà. Mais il dit aussi dans le même geste, dans le même souffle, hein, que évidemment. Pour toutes les choses absolument nécessaires et indispensables, il ne s'agit pas de se désincarner, ça n'a aucun sens. Donc il n'y a pas de mépris du corps, si vous voulez, c'est simplement une... Là encore, je parle beaucoup de réorientation, c'est-à-dire, Platon n'a pas de condamnation générale du corps, c'est vraiment pas du tout la manière dont il pense, et surtout pas par condamnation, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pas un jugement moral. Non, il ne pense pas comme ça du tout. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle place le corps doit avoir dans notre vie, et surtout, est-il une valeur? Et tout le Fédon va arriver à montrer que non. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le corps et les valeurs qui se corrèlent au corps, hein, c'est-à-dire comme le Fédon le détaille très bien, le désir d'argent, le désir de pouvoir. Oui, il y a vraiment une triple dimension. C'est vraiment en fait les plaisirs, les sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher. Qui sont indispensables. Hein. Voilà, qui sont indispensables, et les émotions. Il dit quand même que ce sont trois entraves en fait à la recherche de la vérité. Oui, s'ils sont au principe de notre vie, hein, mais pas si on leur donne leur juste part. En fait, je pense que c'est une idée très vraie. Alors, je vais paraître vraiment très très platonicien. Tant mieux. Comment dire ? Non, mais je veux dire très naïvement platonicien, parce que je sais que c'est pas une idée à la mode. Convaincu. Voilà, oui, c'est ça. Convaincu. Ben, je cherche à convaincre personne, mais l'idée, c'est que c'est tout simplement cette idée absolument fondamentale qui est que on pense mieux quand on met le corps un peu de côté. Et moi, je vais vous dire très franchement, je pense que c'est vrai. Vous pensez mieux quand votre corps n'est pas... Mais oui, je veux dire, c'est très dur de penser quand on est malade, c'est très dur de penser quand on souffre. Quand on a faim. Voilà, exactement. Enfin, tout ça, c'est des idées, j'ai envie de dire, un petit peu banales, mais en même temps extrêmement fortes, et que Platon exploite jusqu'à son maximum. Alors évidemment, il y a une ontologie derrière, etc. Vous en parlerez dans la semaine quand vous parlerez des idées, mais l'idée est quand même celle-là. Hein, avant tout, on pense pas bien quand on est soumis au corps. Le corps doit être... On pense mieux quand on est mort, quand il y a cette fameuse déliaison entre le corps et l'âme qui est effectuée par le moment de la mort. Oui, sachant que ce moment de la mort n'est pas nécessairement... Enfin, que cette déliaison est un processus qu'on peut vivre. Oui, en philosophie. Voilà, exactement. Et alors, c'est là où moi, j'ai une objection à faire à Socrate, et j'espère que vous allez y répondre, Dimitri Elmur, c'est que philosopher, c'est apprendre à faire cette déliaison entre l'âme et le corps. Donc, quand on est du côté de l'âme, on est du côté, on va dire, de la vie. C'est un principe de vie, l'âme. C'est ça qui va animer la pensée, qui va faire qu'on va philosopher. Oui. Comment peut-on être en philosophant du côté de la vie avec l'âme et en même temps du côté de la mort en étant du côté de la déliaison? Vous voyez, il y a une contradiction entre le fait que philosopher, c'est à la fois vivre au mieux à plein et mourir en étant détaché de son corps. C'est une bonne question que vous posez, et j'espère pouvoir y répondre. Non, mais c'est une question tout à fait légitime. En fait, je vais répondre de manière un tout petit peu générale, et après je vais appliquer ce que je viens de dire. Je pense que Platon, c'est un vrai penseur du lien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quelqu'un qui pense que effectivement notre situation humaine est une situation contrainte. On est lié, on est entravé. L'allégorie de la caverne. Dit, hein. Et puis l'allégorie de la caverne ne dit pas autre chose. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis c'est vraiment le texte qu'on a lu. Cette âme tout bonnement enchaînée à l'intérieur d'un corps. Voilà. Donc on part de ça. Ensuite, il y a un processus de déliaison. Ça, c'est, disons pour faire vite, penser. Penser, c'est effectivement nous délier et délier l'âme de son corps. Mais, et c'est là où j'espère vous répondre, il y a aussi un troisième processus, c'est que se délier, c'est pas flotter dans l'air et puis... Tout à coup, l'âme s'envole, voilà, hormis enfin, bon, de son voilà, corps. Ça, c'est effectivement des histoires pour enfants. C'est se relier différemment. Mais alors à quoi ? Eh bien, justement, à ce qui est véritablement ferme, ce que Platon appellera plus loin les idées. Et c'est-à-dire à des objets qui sont véritablement pensables, des objets qui sont naturellement faits pour la pensée, parce qu'en fait, ils proviennent, et là on tombe dans le mythe, de la même origine, l'intelligible. Mais cette manière de philosopher sur des objets qui seraient des objets plus réels, en fait, que le réel, parce que des objets plus solides, faits de principes, comment on peut y accéder sans l'intermédiaire d'un corps? En fait, la pensée, en fait, l'âme, parce que depuis tout à l'heure, on dit l'âme, mais en fait, l'âme, ça comprend la pensée, vu qu'on philosophe, vu que c'est l'âme qui philosophe. Oui, mais comment accéder à ces objets, non pas sans le toucher, sans les cinq sens, sans d'envie, parce qu'en fait, on réfléchit sur des sujets qui nous donnent envie, qui nous étonnent, et sans le corps, sans certaines affections, en fait. On n'a pas envie de réfléchir. Mais on le fait avec. C'est ça. C'est dire que c'est ce que je vous disais. Oui, mais Socrate, dans tout ce dialogue de Platon, nous dit qu'il va continuer à être philosophe. En fait, il n'a pas peur de mourir, Socrate, parce qu'il sait que son âme est immortelle, parce qu'en fait, il est juste. C'est juste le corps qui périt, mais pas son âme, et qu'il va continuer à philosopher après. Mais sur quoi va-t-il philosopher une fois qu'il n'aura plus de corps qui lui donnera envie de philosopher, vous voyez ? D'accord. Je ne dis pas que le corps, c'est le corps qui nous donne envie de philosopher. Je dis que le corps n'est un obstacle que si on lui donne une certaine place dans notre vie. Hein, voilà. Et si, effectivement, il prend trop de place. Hein, je prends toujours cet exemple qui va peut-être vous paraître ridicule, mais entre celui qui fait du sport et le culturiste, vous voyez ce que je dis ? Ça, je trouve que c'est un exemple très parlant. Celui qui fait du sport, et Platon a écrit de très très belles pages sur la gymnastique, comme vous savez, dans la République, et donc du oui, coup, c'est absolument indispensable. Et, oui, pour et la traiter, formation de l'homme, ouais. Et traiter bien son corps, le fait dont on l'explique, c'est aussi bien traiter son âme, hein, parce que les deux sont liés, hein, même si on cherche à les délier. Mais ça, c'est une chose, et c'est pas la même chose que d'être culturiste et de cultiver le corps. Bon, on peut généraliser un peu cet argument à propos de toutes les valeurs, si vous voulez, corporelles. Donc, je dis pas que le corps est indispensable, mais il est indispensable quand on est incarné pour percevoir, donc on fait avec. Quand Socrate sera mort et que son âme il continuera à philosopher, il philosophera différemment, sans doute mieux, parce qu'il sera surtout, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il sera surtout au contact de gens véritablement savants. Et c'est ça le si c'est vous là où c'est très élitiste finalement, c'est qu'il se retrouvera avec les siens entre soi. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on en vient en fait, ce dialogue sur la mort est au fond aussi un dialogue sur l'âme, à savoir qu'est-ce que l'âme, comment c'est son sous-titre. C'est son sous-titre en plus. Comment naît-elle, comment meurt-elle, peut-elle mourir, pourquoi ne meurt-elle pas? Mais c'est aussi du coup, un dialogue sur le corps. À quoi sert ce corps? Quelle juste place lui donner? Et on en vient peut-être, et c'est peut-être une fausse lecture, mais à se dire en fait que le corps est juste une entrave, et on en vient à se dire, mais pourquoi finalement l'âme qui est si forte, si bien, si immortelle, qui sait si bien penser, aurait besoin d'un corps pour s'incarner? Ah bah c'est un fait d'abord. Nous avons un corps, nous sommes incarnés et voilà, c'est quelque chose avec lequel on doit faire avec. Est-ce que ça veut dire que Platon pense que de manière optimale il faudrait débarrasser de son corps? Là encore, je pense que la question est un peu étrange, c'est-à-dire que au fond nous hommes c'est comme ça qu'on est. Donc, encore une fois, la question, c'est comment on vit notre état d'incarnation. Et il y a plein de manières de le vivre. Et une certaine manière de le vivre, c'est de subordonner son corps, aux soins de l'âme. Voilà. C'est lui donner une juste place. Mais c'est pas le nier. Hein, encore une fois, il s'agit pas de se mortifier. On n'est pas dans les exercices. Ou, vous voyez, ça, c'est des pensées qui sont tout à fait étrangères à Platon. On est simplement dans cette idée que le corps doit avoir une certaine place et ne doit pas occuper toute la place et ne pas être une valeur. Hein, voilà. C'est apprendre à mourir qui est une vieille notion chrétienne, n'est-ce pas? L'apprentissage de la mort qui, pour moi, est complètement dénué de sens. On apprend à battre des records, on apprend à jouer du piano, on apprend à monter à cheval, on apprend tout ce sur quoi l'apprentissage mort est à des prises. Mais pour ce qui est de mourir, c'est-à-dire de s'initier à quelque chose d'absolument autre, dont personne n'a pas la moindre idée, n'est-ce pas, qui est d'un ordre de grandeur dans lequel je suis entièrement concerné, qui porte non pas sur des modes d'être, mais sur mon être lui-même et sur l'être de mon être, sur une douleur irreprésentable, qui n'est pas seulement la plus grande douleur, mais une douleur qui n'est pas la douleur de la transformation. Ce n'est pas tout passage d'une forme à une forme est douloureuse, une métamorphose. Mais ça, le passage d'une forme à l'absence de toute forme, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, on vient d'entendre la voix reconnaissable entre toutes de Vladimir Jankélévitch. C'était le 7 mars 1971. C'était l'invité du dimanche sur l'ORTF. Alors, on a entendu très clairement, c'est une bonne objection à faire à Platon et c'est pour ça, à Platon et Socrate. Et on a parlé de ce que voulait dire mourir, l'identification avec le fait de philosopher, mais on est parvenu sur cette idée d'apprendre. Comment peut-on apprendre une chose qui ne nous est pas connue, Dimitri Elmure? Je pose d'autant plus la question que vous m'avez dit quand j'ai posé cette question sur le corps que de fait, nous avions un corps, et j'ai envie de dire à Socrate et Platon, de fait, nous allons mourir, mais de fait, nous ne savons pas ce qu'est la mort. Alors, le Phédon cherche à répondre à cette question, puisqu'on y a plusieurs définitions de ce que c'est que la mort, la première étant effectivement la déliaison de l'âme et du corps, puis vous allez en envisager d'autres pendant la semaine. Donc il y a quand même déjà ça, on cherche aussi à savoir ce que c'est que la mort, et la première question de Socrate, la première question, on va dire, socratique par excellence du Phédon, c'est la mort, pour nous, est-ce quelque chose Donc, oui, c'est véritablement une recherche. C'est pas Socrate va nous livrer un propos, je vous donne une définition et c'est celle-ci, elle sera intangible. Donc Jankélévitch a raison sur un point, c'est que c'est effectivement quelque chose de compliqué, la mort. Et apprendre à mourir, c'est certainement pas une sorte de mantra qu'on va pouvoir se répéter quelques fois et puis ça y est, on est débarrassé de l'angoisse de la mort et puis on a tout compris. Non, il y a quelque chose, il y a véritablement quelque chose à apprendre. Et effectivement quelque chose. Alors est-ce que l'objection c'est on ne peut pas apprendre quelque chose dont on n'a aucune expérience? Est-ce que Socrate est en train de dire, il répond justement à cette objection. Il nous répond, on en a l'expérience. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est penser. Donc vous voyez, c'est là où Jankélévitch a mal lu le Phédon, en fait. C'est qu'il n'avait pas effectivement identifié à ce point-là la déliaison âme-corps, enfin le philosopher comme cette déliaison, et donc le fait d'être déjà en train de mourir. Oui, alors après peut-être qu'il n'y croit pas aussi. Ce qui me frappe dans le texte qui a été lu, c'est quand il parle aussi de voilà, mais comment je peux faire cette expérience, l'être de mon être qui va dans le néant, etc., etc. Il le formule bien mieux que moi. Au fond, la question, elle est pas vraiment, c'est pas vraiment celle-là dans le Phédon. La question de notre disparition à moi personnel, Dimitri Elmure, à ce que moi je suis immortel. Vous voyez, elle se pose pas comme ça. C'est mon âme. Voilà, c'est voilà. Ça. Alors ça, c'est une bonne objection ou question à poser. C'est en fait qui meurt. Ah. Voilà, c'est-à-dire que on a le corps qui périt, on a l'âme qui ne périt pas. Mmh. On l'a compris. On va le démontrer notamment demain pourquoi l'âme est immortelle. Mais alors, qui meurt de nous? Nous, on est où là-dedans? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conscience, en fait, qui échappe. C'est-à-dire que la conscience, on le sait, est une notion complètement anachronique par rapport à Platon. Mais la question se pose, quand on dit « je veux apprendre à mourir », ce « je », il a une valeur. Et si on veut apprendre à mourir, c'est parce que ce « je » a peur ou parce que ce « je » veut s'exercer à la philosophie. Mais peu importe, ce « je » est là, ce « je » va-t-il mourir? En fait, c'est une question très compliquée. Parce qu'au fond, on a du mal à l'appréhender parce qu'on l'appréhende en post-cartésien que nous sommes. Freud. Oui, puis avec des notions de subjectivité qui ne sont pas du tout celles de Platon ou d'Aristote. Ouais. L'âme, le paradoxe, il est là. Je suis mon âme. Okay, et ça, c'est un Platon et Aristote ont passé toute leur carrière philosophique à essayer de nous faire comprendre ça. C'est quelque chose d'essentiel, que je suis mon âme. C'est-à-dire, je suis pas mon corps, je suis pas que mon corps, je suis mon âme et mon âme qui commande à mon corps. Voilà, exactement. Et mon identité est là. Sauf que ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est là où il y a paradoxe, c'est que je suis mon âme signifie que je suis au fond mon intellect. C'est-à-dire la partie supérieure de mon âme, celle qui nous permet de comprendre, okay, de penser. Mais cette partie-là, c'est la partie la plus universelle. C'est celle qui, au fond, s'apparente le plus à ces objets, ces idées qu'on pense quand on pense. Donc, au fond, ce que je suis quand je meurs, ce que devient mon âme à moi quand je meurs. La question est bizarrement mais quand on pose la question, en fait, c'est-à-dire que quand Socrate nous dit je n'ai pas peur de mourir parce qu'en fait mon âme, ce que je suis, donc qui s'identifie à mon identité, est immortel, on se dit « Ah super, Socrate en fait va continuer à vivre, il n'aura plus de corps, mais son esprit sera toujours là et il continuera à philosopher. » Mais finalement, on a l'impression que Socrate va continuer à être ce qu'il est et qu'il va continuer à nous parler de l'au-delà. En fait, c'est comme si on voulait aussi se rassurer du fait de ne pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on perd notre corps qu'on va mourir. Or, quand même si, il y a quand même quelque chose de nous qui se perd, même si âme égale je égale intellect. Oui, parce que nous sommes aussi ce lien particulier des parties de l'âme, selon les textes, ou du rapport de l'âme et du corps, qui nous constituent en tant qu'individu. Mais cet individu que nous sommes, qui a un prénom, un nom, etc., c'est pas ça, c'est pas le principe même de la pensée. Et une chose aussi sur ce terme d'apprendre à mourir, il y a ça aussi dans le texte du Phédon. Cette âme pratique droitement la philosophie, elle s'exerce pour de bon à être morte sans faire aucune difficulté. Ne serait-ce pas cela, s'exercer à la mort? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme d'exercice, Dimitri Elmure? Est-ce que c'est vraiment, quand on dit qu'on s'applique à la philosophie, c'est quoi? Écrire, c'est exactement ça? Exercice presque au sens même scolaire. Alors justement, c'est marrant parce que j'ai employé le mot d'exercice tout à l'heure, oui. Et ça me permet de le corriger. Quand je disais que c'est pas un exercice, c'est pas un exercice au sens de, vous voyez, de ce que peuvent être les mortifications, le rapport au corps, choses comme ça. C'est un exercice en revanche au sens où, bien sûr, philosopher, c'est pas quelque chose qui se fait en un instant. C'est un travail, c'est une manière de poser les questions, une manière d'articuler des réponses, c'est une manière de dialoguer, une manière de encore une fois d'ordonner des priorités dans nos vies, etc., etc. Et ça prend du temps. Et oui, on peut lui appliquer la catégorie d'exercice, parce que c'est pas quelque chose qui est... C'est un entraînement. Oui, et puis par ailleurs, on est, comme le dit Descartes, hein, nous avons été enfants avant que d'être hommes. Hein. Donc, du coup, on n'est pas philosophe, si vous voulez. Donc, il faut le devenir, remettre nos croyances en doute, etc., etc. Donc, tout ça fait partie de l'exercice. Mais ça, c'est une question aussi que je me suis posée en lisant le Phédon, c'est que si l'âme est immortelle, ça veut dire qu'elle ne meurt pas, mais comment naît-elle? Et est-ce qu'elle ne naît pas déjà apte à philosopher et presque déjà philosophe? Ben, l'âme en tant que disons principe d'intellection, oui, elle est si vous voulez, elle peut philosopher. Simplement, celui qui philosophe, c'est l'homme, ou c'est l'âme en l'homme. Et là on revient sur, voilà, la distinction donc, du jeu et de, voilà, et donc il faut qu'elle soit incarnée, et de toute façon, et donc parce qu'elle est incarnée, confère tous les mythes d'incarnation que Platon nous raconte dans le Timée, dans le Phèdre, etc., etc. Il y a toujours ce moment quand dans le Timée, parmi, il le dit très très bien, quand le l'âme rentre dans le corps, il y a un moment de folie, si vous voulez, voilà, parce qu'il faut s'habituer à, voilà, et ce moment de folie, il dure très très longtemps, enfin c'est être enfant, quoi. Et donc ce qui philosophe, c'est effectivement l'âme en l'homme, donc l'âme dans son corps incarné, et c'est ce lien introduit, qui est introduit par l'incarnation, justement doit être délié et relié de manière différente, et c'est ça tout le travail de la philosophie. La mort n'est rien pour nous et ne nous touche en rien, puisque l'esprit révèle sa nature mortelle. De même qu'autrefois, nous n'avons nullement souffert quand les Carthaginois se lançaient partout au combat, quand le monde frappé par ce choc effroyable tremblait d'épouvante sous les hautes rives du ciel et ne savait auquel des deux camps échoirait l'empire des humains sur la terre et les mers. De même, quand nous ne serons plus, l'âme et le corps dont l'unité formait la nôtre désormais séparée. Rien, absolument rien, nous qui ne serons plus, ne pourra nous atteindre ou émouvoir nos sens, fût-ce le déluge, mer, ciel et terre confondus. Et si, même après s'être arrachés du corps, l'âme et l'esprit gardent la sensibilité, elle n'est rien pour nous, dont l'unité constitutive repose sur l'union consacrée de l'âme et du corps. Oui, s'il doit y avoir maux ou douleurs futures, il faut pour en souffrir que l'homme existe encore, puisque la mort exclut ce fait, abolissant l'être en qui les tracas pourraient se concentrer, assurément, la mort n'a rien pour nous de redoutable. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Nous venons de faire une petite infidélité à Platon. Nous venons de diffuser un extrait de La Nature, le texte de Lucrèce, un extrait du chant 3, interprété par Bernard Gabay. On a une toute autre vision de la mort, qui est que chez Platon, la mort, la vie après la mort, enfin, en tout cas, l'âme perdure après la mort, alors que chez Lucrèce, donc chez les épicuriens, il n'y a rien après la mort. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a tout après la mort chez Platon, alors qu'il n'y a plus rien chez Lucrèce. Et c'est un argument qui peut effectivement beaucoup nous rassurer, qui est beaucoup plus, on va dire, démocratique, beaucoup plus large, quand on a peur de la mort et qu'on se dit « ne vous effrayez pas ». En fait, vous ne sentirez rien parce que vous ne serez plus. C'est beaucoup plus convaincant que de se dire « rassurez-vous, votre âme va continuer à philosopher après ». Ah ben, ce qui est fascinant dans ce texte de Lucrèce, c'est qu'effectivement, il part de prémices complètement, diamétralement opposées à celles de Platon. Notamment parce que l'âme, chez Lucrèce, est distincte du corps, mais elle est composée d'atomes. Donc c'est de la matière aussi. Donc matérielle, tout comme le corps. Donc elle doit forcément périr. Et donc elle va forcément périr. Mais là où c'est fascinant, c'est que les deux philosophes, partant de prémices complètement opposées, se rejoignent quand même sur un point qui est que, pour moi, le point essentiel, c'est que comprendre ce qu'est la mort, c'est vivre d'une certaine façon. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il y a un rapport entre le Phédon, au-delà du thème, je veux dire, au-delà du thème de la mort, un rapport vraiment fort entre le Phédon et le chant 3 du Derrière Natural de Lucrèce, de la nature de Lucrèce, où le message philosophique que le lecteur doit emporter, si j'ose dire, avec lui, c'est que, effectivement, il faut vivre d'une certaine manière. Est-ce que cet argument en fait des épicuriens, parce qu'on peut aussi penser quand même à la lettre à Ménécée, hein, qui est un texte assez court, qui est souvent étudié dès la terminale, dont les arguments sont clairs et lisibles, est-ce qu'on peut dire quand même que les épicuriens touchent plus juste pour peut-être des lecteurs de notre époque? C'est-à-dire, c'est plus convaincant de se dire qu'on ne sentira rien et que tout va disparaître et que n'ayez pas peur, profitez en fait de la vie telle qu'elle est, redonnez des valeurs à vos actions humaines dans le temps de votre mortalité, plutôt, et n'ayez pas peur de la mort qui ne vous fera rien, plutôt que de dire, comme Platon, ne vous inquiétez pas, passez votre temps à philosopher, vous pourrez continuer tout le temps à le faire de toute façon après la mort, puisque vous vous y préparez et que vous façonnez votre âme pour ça. Est-ce que le premier n'est pas plus convaincant que le second? Mais on revient en fait à ce qu'on disait au début, à savoir sur le lectorat du Phédon. Lucrèce et Épicure s'adressent à tout le monde. Et vous citiez très justement la lettre à Ménécée. Qu'est-ce que c'est que la lettre à Ménécée? La lettre à Ménécée, c'est un condensé d'épicurisme à emporter avec soi. C'est pas le Périphuséos, le traité sur la nature en 37 volumes d'Épicure dont on a que des bouts. C'est une petite lettre dont qu'on peut emporter avec soi comme aide-mémoire pour se rappeler effectivement le message épicurien qui nous amène à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de trouble, donc au fait au bonheur. Donc effectivement, est-ce qu'on peut dire que du coup le message épicurien touche plus juste? Il est à dessein plus simple, mais plus simple dans la lettre à Ménécée. Le texte qu'on a entendu de Lucrèce, au fond, c'est une conclusion. La mort ne nous touche en rien. D'ailleurs, dans le texte latin, il y a un igitur. La mort donc ne nous touche en rien. Et pourquoi il y a un igitur? Parce qu'en fait, c'est la conclusion d'une trentaine de preuves de la mortalité de l'âme. Donc là, on n'a pas de preuve de l'immortalité, on a la preuve de la mortalité de l'âme. Et ce texte qu'on a entendu vient conclure ça. Et donc, pourquoi 30 preuves? Là, on voit, l'ambition. Il n'était pas si convaincu que ça? C'est-à-dire que c'est l'ambition de l'épicurisme. Il faut 30 preuves, parce que la peur de la mort est très, très implantée chez nous. Et donc, s'il y en a une qui ne marche pas, il y en aura une autre qui marchera. Et on peut en donner autant qu'il en faut. Et donc, là où la lettre à Ménécée condense, si vous voulez, quelque chose, évidemment, Lucrèce développe, et en cherchant à persuader rhétoriquement, en nous donnant autant de preuves qu'il en faut. Parce qu'on pourrait en trouver toujours. Voilà. Oui, mais finalement, c'est même beaucoup plus contre-intuitif. Vous dites que c'est plus simple, Épicure, ou en tout cas les épicuriens, dans l'idée, parce que l'idée de dire n'ayez pas crainte de la mort, vous pouvez accepter de mourir parce que la mort, vous ne sentirez rien. Mais là où c'est beaucoup plus contre-intuitif, c'est de dire rassurez-vous, l'âme est mortelle. Et ça, en fait, c'est précisément la mort qui fait peur. Donc, de dire que l'âme est mortelle peut au contraire effrayer, alors que finalement, Platon va dans le sens de ce qu'on aimerait entendre. Rassurez-vous, vous continuerez à vivre après la mort. Ce sera d'une autre manière. Ce ne sera que votre âme et plus vraiment vous, votre identité alliée à un corps. Mais finalement, l'argument d'Épicure est peut-être plus effrayant, mais en même temps, à mon sens, plus convaincant. Je préfère me dire que j'ai toute la vie pour redonner du sens à ce que je fais ici avant ma mort, plutôt que de me dire bon bah je commence à m'entraîner dès maintenant à philosopher parce qu'après falloir y aller quoi. Je pense que l'argument d'Épicure est pas plus effrayant parce que justement il cherche à traiter la peur de la mort. Là où Épicure ouais. peut-être peut être pris en défaut d'un point de vue philosophique, c'est est-ce que oui ou non la peur de la mort est si importante en nous. Ça c'est une vraie question philosophique, hein, sur laquelle j'ai pas de réponse, mais c'est une objection qu'on peut faire au projet épicurien dans son ensemble. Est-ce que oui ou non la peur de la mort a la centralité dans nos vies que les épicuriens disent C'est quand même le point de départ aussi du Phédon, c'est-à-dire que les disciples de Socrate ont peur de le perdre aussi. Il y a quelque chose de la tristesse. Il a peur de la mort de l'autre. C'est ça. Et c'est celui qui va mourir qui les console. Donc déjà la question de la peur, elle n'est pas du tout posée de la même manière. Mais alors est-ce que l'argument des arguments d'Épicure sont convaincants? Moi, je trouve que les arguments sont absolument magnifiques. Le texte qui a été lu, c'est un argument de symétrie. Et dans le texte qui a été lu, quel est l'argument? Au fond, l'argument, c'est de dire les événements du passé ne nous touchent en rien. C'est vrai. Vous et moi, la Première Guerre mondiale, il y a aucune chose qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale qui nous touche. Hein, on n'était pas nés, etc. Bon. Et bien, de même, dans le futur, aucun événement ne nous touchera plus de la même manière. Ouais. Pourquoi? Parce que le composé atomique que nous sommes, qui lie les atomes de l'âme et les atomes du corps, sera délié. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît la théorie épicurienne qui dit que l'univers est infini, que le nombre des atomes est infini, que le temps est infini, etc., etc., on peut postuler, en toute logique, que, en fait, on a déjà été nous-mêmes se composer. Hein, qui a déjà eu dans un monde possible, enfin dans un monde réel, avant, voilà. Ah ben oui, et vous de même, etc., etc. Et pourtant, on ne sent rien de tout ça, on n'a aucun souvenir. Pourquoi? Parce que entre temps, comme le dit Lucrèce, la vie a marqué une pause. Et donc, on fond la vie de ce composé-là, c'est délité. Et ça, c'est un argument extrêmement rassurant. En fait, on était déjà là, on est déjà mort. Oui, finalement, voilà. En fait, il défend quelque chose de beaucoup plus immortel. Que Platon. Alors, il nous reste 30 secondes, Dimitri Elmure, juste pour revenir sur le problème de ce texte, qui est quand même de justifier le bonheur du philosophe face à la mort sans pour autant inviter au suicide. Vous l'avez dit, c'est un texte sur la vie. Quelle vie nous demande de vivre, Platon ? La vie, une vie dans laquelle la pensée, alors je dirais la vie de philosophe, mais pour être un peu plus précis, une vie dans laquelle, et ça peut parler à tout le monde, j'espère, une vie dans laquelle la pensée a sa juste place et le centre et le cœur de notre vie. Fin de détruire de l'âme. Fin de détruire. La la la. Ah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme au chemin. Qui la retrouve, cela m'est aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette au chien. Frère Lederia. Je m'avais collé avec une fumelle. Alors ça, c'est la plus belle. Je m'avais collé avec une fumelle. Le jour où j'ai brûlé mes sabots, j'y avais flanqué un marmot. Maintenant que son père est plus de ce monde, l'a poussé ce petit crève la faim. Faut que ma veuve lui cherche un parrain. Frère Lederia, elle y en avait déjà trouvé un. Et j'ai pas les yeux dans ma poche. Elle y en avait déjà trouvé un. Dame, faut prévoir en cas de besoin. C'est lui qui flanquera des taloches à mon petit haut pour qu'il se tienne bien droit. C'est du joli, moi je trouve ça moche de cogner sur un plus petit que soi. Merci beaucoup Dimitri Elmur d'avoir ouvert cette semaine Merci sur beaucoup. Le Fédon. Alors je rappelle que le Fédon, c'est un dialogue de Platon sur la mort de Socrate. C'est disponible en GF, Flammarion, excellente édition. J'annonce de vous, Dimitri Elmur, qu'à venir le 12 décembre aux éditions Vrin, on pourra lire Kant et Platon. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Elena Parten. Et j'en profite aussi pour dire que vous avez co-dirigé avec Christelle Veillard et Olivier Renaud l'ouvrage Les philosophes face aux vices de Socrate à Augustin. Et que demain, nous recevons Monique Dixo qui a fait la traduction à la présentation de cette excellente collection en GF du Fédon. Il est presque 10h55, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Avons-nous toujours le choix ? Quand nous regrettons un acte et que nous disons pour nous expliquer ou pour nous excuser « je n'avais pas le choix », cela peut être vrai, bien sûr. Il y a même deux cas de figure pour cette vérité. L'acte que nous avons commis ou dont nous avons été responsables peut en réalité avoir été nécessaire. Nous n'avons pas le choix de respirer ou de vivre, tout simplement. Cela relève de la nécessité. Et cela peut aussi relever de la contrainte extérieure. On peut avoir été forcé par un fusil, par une contrainte corporelle, par toutes sortes de raisons, et nous pouvons même avoir perdu la raison, avoir perdu les capacités de choisir. Dans tous les cas, il y a donc un problème, on peut dire un problème aussi métaphysique, qui est celui de la liberté humaine, de la capacité des êtres humains à être les auteurs de leurs actions et même d'actions opposées, où ils ont une marge de manœuvre, à être responsables précisément de leurs actes, et peut-être d'ailleurs que c'est cela le concept d'action, à distinguer d'un événement, un événement qui se passe en nous, sans nous, dans le monde, et sans auteur et sans responsabilité. Mais nous savons bien, parfois, que nous avions le choix. Et là, nous passons du regret de ce qui ne dépend pas de nous, au remords concernant ce qui, en réalité, avait dépendu de nous. Et quelle que soit notre métaphysique, il y a le problème métaphysique de la liberté, mais le droit, par exemple, délimite la sphère du choix, la sphère des actions dont les sujets sont responsables parce qu'ils auraient pu faire autre chose. Et plus profondément encore, ce que nous appelons l'éthique ou la morale, c'est intrinsèquement lié à l'expérience du choix, qu'elle soit réelle ou encore une fois, pour certains métaphysiciens, illusoire et devant être critiquée. Ce que nous appelons éthique ou morale, ce sont les dispositifs, les inventions humaines, les discours, les théories qui nous permettent de justifier le choix, de dire pourquoi nous avons choisi A plutôt que B, cette voie-ci plutôt que celle-là. Et au fond, l'éthique et la morale ne sont rien d'autre et elles disparaîtraient si nous n'avions jamais le choix, si nous n'avions pas le choix du tout. Petite différence entre l'éthique et la morale, au passage, et il faudra y revenir, c'est que l'éthique, c'est l'expérience du choix et du problème du choix, les arguments qui surgissent dans un dilemme, dans une tragédie par exemple. Est-ce que je dois faire ceci ou cela à quelqu'un ? Le Cid qui doit décider de venger ou non son père et se faisant de sacrifier ou pas son amour. La morale, c'est la forme systématique des arguments que nous invoquons pour justifier nos choix. Est-ce qu'il faut raisonner en fonction des conséquences ? Est-ce qu'il faut raisonner en fonction des principes ? Eh bien, les théories morales s'opposent, mais de toute façon, elles reviendront dans la vie, elles reviendront dans l'éthique, pour justifier nos choix en actes dont nous ne pouvons évidemment pas nous passer. Le choix, c'est au fond l'élément même de la vie humaine, l'élément de la responsabilité, l'élément sans lequel il n'y a pas de sérieux, l'élément qui nous engage aussi subjectivement. Quand nous choisissons quelque chose, nous choisissons aussi quelqu'un, celui que nous voulons être, et nous avons aussi des conséquences non seulement sur le monde, mais sur autrui. Le choix surgit des relations humaines. Sans le choix, il n'y a pas de relations humaines. Au fond, bien sûr, nous n'avons pas toujours le choix, mais les moments où nous avons le choix sont fondamentaux entre nous. Merci Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Voilà. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Ludovic Augier et Bernard Gabet à la lecture des textes toute cette semaine. Pour écouter ou réécouter cette première émission de notre série sur le Fédon et comprendre pourquoi, je cite, « ceux qui philosophent droitement s'exercent à mourir », eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain, comme je vous l'ai dit, pour la suite. Et demain, âme will survive, ou comment et pourquoi l'âme est immortelle. Et ce sera avec Monique Dixot. À demain.